message conscient de Melia et MC Mader. Pour la mixtape Made in Unity, Soldier Peace 2010. Les sandates. They wanna play, yeah. I want you listening, boy. Let my voice be free. Live up, stand up with me, with me, with me. He wanna play, yeah. I want you listening, boy. Let my voice be free. Live up, stand up with me, with me, with me. Revolution time, je clame et proclame. Et la foule acclame pour raviver la flamme. Ça sent le brûlé car toutes les voitures crament. C'est la révolte qui se trame. Mais oui, ma tête craque. Pour demain, on a le trac. Car ça sent les coups de matraque. Les packs de CRS qui attaquent. Et la France part en vrac. Et ça part en slackness. Je ne me plais pas, je constate que c'est les mêmes qui mangent des pâtes. Fils d'ouvrier, moi je n'ai pas de cravate. Ils veulent qu'on soit à quatre pattes pour se faire avoir d'ici aux Carpates. Aux Carpates. J'ai senti la plume pour prendre mon envol. Un peu d'encre et je décolle. La grisaille est monopole. Le soleil dans la tête et je quitte le sol. De mes ailes la rivière et je frôle. You wanna play, yeah. I want you listening, boy. Let my voice be free. Live up, stand up with me, with me, with me. You wanna play, yeah. I want you listening, boy. À quoi ressemble un voleur? Il est en costard. Belles apparences de trompeurs, tous ces avatars. Des gros endormeurs, la France pleine de larmes. Tête des grands seigneurs, ils ramassent tous les dollars. Le sang et leur couleur, comme dans un polar. Pour eux, pas de douleur, pas de problème, être gros lard. Pas de sentence au bout du couloir. La nuit, tous les chats sont noirs dans ce grand foutoir. Le nain et les 40 voleurs ont-ils connu la sueur? Tel un ouvrier dans son labeur. Celui qui gouverne ment et mérite le châtiment pour tous ses boniments. Ils n'ont pas de sentiments, je m'explique calmement, poliment. Mais personne ne m'entend. Faut-il que je crie pour avoir le ralliement?